J'ai encore passé une nuit horrible. J'ai mal partout, je suis tout bloqué. Je dors plus beaucoup, c'en est pénible. Même pas le courage de déjeuner. Je fonce sous la douche, vite fait. Fais chier, j'ai pas le temps de déjeuner. Je prends ma voiture tous les jours. Je fais toujours le même parcours. La 31 ne vaut pas le détour. Et comme beaucoup, je suis à la bourre. C'est pas que cela me plaît, mais faut bien que j'aille travailler. Je fais la sieste bien étalée. Faut bien 2 heures pour récupérer. Puis enfin, je me fais à manger. Avec toutes sortes de tarés, surtout le chef de ces niqués, qui m'oblige à vous arnaquer. Faudrait peut-être que je me fasse virer. J'arrive plus à les supporter. Plus aller supporter.